Demain de Maître sur Fadjet, présenté par Olivia. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui rencontre des artisans d'art d'exception en Lorraine et en Alsace, à écouter une fois par mois, le vendredi à 18h, rediffusé le dimanche à 10h30. Demain de Maître s'intéresse aujourd'hui à un métier rare qui a presque disparu, isolé, pourtant très commun en France au 19e et 20e siècle, jusque dans les années 70-80, et toujours plébiscité en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Je rencontre des jeunes peintres en lettres, Morgane et Benjamin, alias le studio Pinceau à Nancy. Ils ont choisi la Lorraine pour faire revivre cet art oublié en France. Studio Pinceau conçoit et réalise des enseignes, des fresques, de la signalétique exclusivement dessinées et peintes à la main. Le duo réalise également des lettres peintes et dorées à la main avec la technique du verre églumisé, ainsi que des restaurations d'anciennes enseignes pour particuliers ou professionnels. Allons à leur rencontre dans leur atelier. Bonjour, Studio Pinceau. Oui. Enchantée. Bienvenue. Olivia. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée, Benjamin. Olivia, merci de nous recevoir ici chez vous, dans votre atelier à Nancy. Merci à Fadjet. Bienvenue. On est en train de réaliser, on va concevoir un numéro sur un carrelage. D'accord. Qu'on va faire tout de suite. Ok, allez-y, je vous suis. On va déjà prendre ouvrir la... Ça, c'est ma trousse à outils. Mmh. Alors, où il y a tout mon matériel qui se trouve dedans. Alors, ici, vous pouvez voir. Alors, j'ai plein de sortes de pinceaux qui sont pour différentes. Alors, des pinceaux qui sont plus pour de la lettre. Après, il y a des pinceaux plus fins. Beaucoup de pinceaux. Hein. Différents pinceaux pour différents rendus. Alors, il y en a qui sont faits plus pour de la lettre, d'autres pour des filets, pour faire des filets fins, des filets plus épais. Mm-hmm. Aussi pour faire, si vous peignez sur du verre, on utilise plus, par exemple, de l'écureuil. Sur la brique, on a aussi des pinceaux différents. Donc, il y a différents types de pinceaux pour différentes surfaces. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, dans un premier temps, pour la lettre, on a fait notre esquisse au préalable en dessin. Mm-hmm. Maintenant, on va réaliser un poncif. Alors, à l'aide de cet ustensile. Donc, le poncif, pour les auditeurs, on dirait un outil de torture chez le dentiste. Alors, ça pourrait ressembler à un outil de dentiste. En fait, c'est une petite roulette qui est utilisée aussi dans la couture. Qui sert à micro-perforer une feuille ou un calque de manière ensuite à transposer l'esquisse qu'on a réalisée sur n'importe quel support. Ça peut être sur un mur, ça peut être sur un carrelage. Là, en l'occurrence, ça va être sur un carrelage. Mais ça peut être aussi sur un meuble, sur du tissu. Et ensuite, ça transpose l'esquisse sur l'objet que l'on souhaite et ensuite, on peint l'intérieur des lettres. On utilise du talc ou de la craie en poudre pour transposer le dessin. D'accord. Voilà. Alors, on va vous montrer comment on fonctionne. Donc là, je passe la roulette sur le papier. En fait, je passe sur le contour des lettres. Pour recréer le dessin, je vais après simplement passer un petit peu de papier de verre derrière ma feuille. Allons-y. Voilà, il faut le faire doucement évidemment pour pas trop abîmer le dessin. Comme ça, le contour de ma lettre est prêt à être positionné sur le support, en l'occurrence du carrelage. Alors la suite, c'est quoi ? On va utiliser une sorte de brosse comme pour essuyer les tableaux d'école. Oui. Ça s'appelle un pounce pad. Ça nous permet en fait de mettre le talc de manière uniforme sur notre support. Voilà, donc maintenant on a... Les petits points qui sont bien positionnés sur le carrelage. Et maintenant, on peut passer à la peinture. Passons à la peinture. Alors là, qu'est-ce que vous faites, Morgane et Benjamin ? On va déjà choisir le pinceau qu'on va utiliser. Là, ça va être un pinceau plat en écureuil. Prendre celui-là. Alors, c'est un pinceau en écureuil, vraiment fait pour peindre de la lettre. Alors, un pinceau en écureuil, je décris pour les auditeurs, c'est un pinceau avec des poils très très longs, très effilés. Très long et un bout carré, alors bien droit, comme on peut le voir. Qui est vraiment spécifique à la peinture en lettres, en fait. C'est vraiment des pinceaux qui sont faits, réalisés pour peindre de la lettre, et uniquement de la lettre. C'est ça. Et en fait, on appelle ça des brosses à lettres, pour être précis. Elles sont toujours, toujours carrées, et ce qui est très important, en fait, c'est la manière dont on les garde, parce qu'en fait, le pinceau ne doit jamais être sec. Donc, on les huile en fait dans de l'huile de pied de bœuf. Voilà. Et en fait, on doit lui donner la forme. C'est très important. Il faut les graisser très souvent pour qu'ils aient cette forme, comme vous voyez, une forme vraiment carrée, ce qui nous permet de bien peindre nos lettres d'une certaine manière. Et donc, je mettrai toutes les photos des pinceaux utilisés sur la page Facebook de Main de Maître. Alors, ensuite, la couleur. Ben on va créer une couleur. Là, je pense qu'on va partir sur un beige. Et donc, on va mélanger. On travaille qu'avec des glycéros, qu'avec des lacs. On va mélanger notre couleur. Donc, Benjamin, si tu veux. Alors là, on va créer notre couleur pour réaliser un beige. Donc, on va utiliser du blanc pardon, et une pointe de jaune et une pointe de brun. Ok. On va prendre la peinture. On n'a qu'une lettre à réaliser, donc on ne va pas en avoir besoin de beaucoup. C'est l'avantage de cette peinture, c'est qu'on en utilise très peu, elle est très couvrante, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Donc on va préparer la couleur dans un petit gobelet. Voilà. On va ouvrir les couleurs. Les pots de peinture sont ouverts. On va prendre un petit stick en bois. C'est pour toujours bien la remélanger. Voilà. Et maintenant, on va mélanger les trois couleurs dans ce petit pot pour créer notre couleur. Voilà. Donc là, on arrive à la couleur de notre choix. Oui. Donc un blanc un peu... On va dire un beige. Blanc cassé, plutôt un beige clair, quoi. Et maintenant, notre couleur est prête. On va nettoyer notre pinceau qui a été graissé jusqu'à maintenant pour enlever la graisse. Et on va pouvoir peindre la lettre. On s'assure qu'il n'y a plus de graisse dans le pinceau. En le tournant. Et ensuite, on peut démarrer. Alors, il y a différentes manières de peindre. Il y a des gens qui peignent avec une canne, ce qui est mon cas, ce qui est ton cas aussi, Benjamin. Il y a des gens qui peignent simplement avec leur petit doigt comme support, d'autres avec leur deuxième main pour se tenir. Nous, on travaille à la canne. Donc, en général, on a une palette, la peinture, notre couleur, et aussi du white spirit. Donc toujours dilué pendant qu'on peint pour avoir la bonne texture sur notre palette. D'accord. Et surtout que notre pinceau ait la bonne forme. C'est important que notre pinceau soit bien, si vous voulez, qu'il ait bien cette forme carrée pour peindre la lettre. Je mets de la peinture sur mon pinceau avec une tout petit peu de white spirit. Et j'écrase vraiment bien mon pinceau en fait sur ma palette pour que la peinture entre jusqu'à la férule. Et quelle est la bonne forme. Et voilà, moi je sais que le pinceau est prêt pour peindre ma lettre. Et là vous appliquez donc la peinture sur le support. C'est ça. Et donc là je vais suivre, puisque maintenant mon support a bien le dessin, donc je vais suivre les contours que nous avons créés avant. Alors le but, c'est vraiment toujours de travailler quand même assez rapidement. La peinture en lettres, c'est un art commercial, donc il y a des techniques pour peindre la lettre. Et en général, on les fait en deux fois, donc on commence sur la gauche, on positionne notre pinceau, et je descends, voilà, il faut que à peu près la moitié des poils du pinceau soient sur le support. Oui. Et l'idée après, c'est de tourner et de toujours terminer sur la pointe du pinceau. Voilà, ensuite moi je fais la partie droite et je procède de la même manière en tournant de l'autre côté. Alors évidemment, c'est important de repaletter son pinceau régulièrement. C'est-à-dire de remettre de la peinture sur le pinceau. C'est ça, et de lui redonner aussi la forme pour être toujours efficace. Donc là, on arrive à la fin. Vous avez bientôt terminé le N avec le numéro. Et c'est fini ou il y a autre chose ensuite ? Là, vu la couleur, je pense qu'on va peut-être mettre une deuxième couche, mais assez rapidement. En général, on peut souvent travailler en une couche. Sur du verre, on est souvent en deux couches. Comme c'est une laque qui contient déjà le vernis, voilà, c'est prêt. Sur d'autres supports, comme le verre, parfois nous devons vernir notre travail. Donc là, c'est tout prêt, Benjamin, c'est tout bon après. Là, on attend que ça sèche, ce sera tout bon. Le numéro d'immeuble est maintenant peint et terminé. Studio Pinceau s'apprête à l'envoyer à son client. Mais au fait, qui est Studio Pinceau ? D'où viennent-ils et qui sont-ils ? Alors vous êtes deux, un garçon et une fille, ou plutôt une fille et un garçon, si on est poli. Morgane, bonjour Morgane, qui êtes-vous ? Alors je viens d'Épinal, je suis graphiste et peintre en lettres, et installée ici depuis 3 mois. Et vous êtes ? Alors Benjamin, graphiste et peintre en lettres aussi, et je suis installé depuis à peu près 18 mois. J'ai lancé Studio Pinceau. Qui est ? Alors qui est un atelier spécialisé dans la peinture en lettres, dans le dessin de lettres et la peinture en lettres, c'est-à-dire des lettres dessinées uniquement à la main et peintes à la main. Et qui se trouve à Nancy ou ça ? Alors, l'atelier se trouve au 15 rue du Faubourg des Trois Maisons, à Nancy. Qu'est-ce qu'un peintre en lettres ? Un peintre en lettres, c'est quelqu'un qui dessine ou qui réalise des lettres déjà existantes en peinture, et uniquement en peinture. Donc, on n'utilise pas du tout de vinyle, d'autocollant. Pas d'adhésif. Pas d'adhésif. On réalise tout en peinture, au pinceau, à la peinture, de manière traditionnelle, en fait. Et vous exercez un métier qui, j'allais dire, est presque désuet, devenu rare, du moins en France. Ça ne l'était pas au 19e et 20e siècle, jusque dans les années 70-80. Là, vous êtes, je crois, une petite dizaine à Paris, moins de 5 en Alsace-Lorraine. Et donc, vous exercez un métier assez rare, qui pourtant est très répandu aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est vrai, donc apparemment, il y aurait 300 peintres aux lettres rien qu'à New York. Oui. Donc dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment beaucoup plus développé qu'en France. Donc c'est un métier qui s'est vraiment raréfié quand les machines adhésives sont arrivées ou découpent des lettres depuis les années 80. Mais dans les pays anglo-saxons, ils ont gardé ça et il y a une vraie communauté. Enfin, d'ailleurs, moi, j'ai passé 5 ans en Angleterre. C'est vraiment là-bas que j'ai appris les bases du métier. Et j'ai eu la chance d'intégrer un petit peu la communauté. Et donc, l'idée, c'est aussi de l'exporter un petit peu en France, qu'on puisse faire un peu partie de ça. Par exemple, en août, il y a une rencontre de peintres en lettres à Amsterdam. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est aussi que maintenant, il y ait plus de gens de France, aussi de Belgique, qui viennent. Et qui rejoignent le réseau. Et qui rejoignent le réseau, oui, parfaitement. Tous les deux, vous avez choisi la Lorraine, votre région d'origine, pour vous installer en tant que peintre en lettres. Alors Benjamin, comment est née l'aventure Studio Pinceau ? En fait, la naissance de Studio Pinceau est un hasard complet. J'ai travaillé comme graphiste à Luxembourg, dans le secteur de l'imprimerie. Et il s'avère que cette entreprise a connu des difficultés financières, elle a fait un plan social et j'ai été licencié. Du coup, je me suis retrouvé à la maison. Il s'avère que j'ai réalisé pour un ami un panneau peint pour sa profession qui est ébéniste. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça et lui m'a dit « Ah oui, mais pourquoi tu te lances pas ? Je suis sûr qu'il y a peut-être un marché à créer. » Et j'y ai réfléchi, et puis je me suis dit pourquoi pas. J'ai rencontré monsieur Delavenne qui s'occupe des métiers d'art en Lorraine, qui m'a aiguillé vers une couveuse d'entreprise. C'est une structure qui aide des personnes à créer leur entreprise. Et j'ai créé Studio Pinceau. Alors, dans un premier temps, je me suis retrouvé dans le secteur de l'hôpital central où j'ai eu mon premier atelier. Et j'ai rencontré quelqu'un qui occupait avant l'espace qu'on occupe aujourd'hui, donc au 15 rue du Faubourg des Trois Maisons. Et j'ai réussi à avoir cette petite boutique qui est pignon sur rue, qui m'a toujours plu. Et je me suis installé ici. En 2014. En 2014, oui. Et alors en 2015, Morgane, vous avez contacté Benjamin. Dans quel cadre ? C'est ça. Donc moi, je suis toujours assez friande de voir ce qui se passe en France en peinture en lettres. Et puis j'avais aussi quand même le désir de revenir habiter ici, enfin habiter en France. Et en fait, j'ai vu que Benjamin ouvrait un atelier à Nancy. Donc je me suis dit, c'est assez drôle puisqu'il y a quand même assez peu de peintres en province. Donc je l'ai contacté pour visiter l'atelier et vraiment vraiment comme Benjamin, enfin vraiment un coup de foudre sur cet espace, un très bel atelier pignon sur rue. Enfin c'était très belle opportunité de partir de Londres pour professionnaliser aussi mon approche de la peinture en lettres et de m'installer ici, de partager connaissances et équipements avec Benjamin. Concrètement, Morgane, ça s'est passé comment ? Je suis rentrée dans l'aventure parce que je m'intéresse vraiment à ce qui se passe dans la peinture en lettres en France. Donc, j'étais en Angleterre depuis 5 ans, où j'ai eu en tant que graphiste. Donc, j'ai fait 5 ans là-bas. J'ai eu la chance pour diverses raisons, de m'orienter vers la peinture en lettres. Enfin, c'est beaucoup de pression à Londres dans le travail. Je me plaisais beaucoup, mais je cherchais un peu autre chose. Et j'ai découvert ce métier qui est encore assez présent en Angleterre, surtout grâce en fait à la culture des pubs. Et j'ai eu la chance de participer à un atelier il y a 2 ans exactement avec un peintre américain, Mike Meyer, et avec d'ailleurs 2 autres peintres de Londres. Et c'était vraiment... j'avais trouvé ce que je voulais faire pour apporter un peu ce côté manuel à mon travail aussi de graphiste. Et en fait, c'était le coup de foudre. C'était vraiment le coup de foudre sur ce métier-là, sur l'aspect manuel, sur le travail de la lettre, et puis sur ce que j'appréciais le plus dans le graphisme, sur la typographie. Donc j'ai formé un collectif avec 2 amies anglaises, on s'appelait les Brushettes. Donc on a eu nos premiers projets ensemble, d'ailleurs certains projets sur Londres se sont passés avec elles. Et l'idée, c'est que je voulais professionnaliser un peu plus... voilà, ma pratique de la peinture en lettres, et je souhaitais également rentrer en France. Donc je suivais beaucoup ce qui se passait ici, et j'ai vu que Benjamin ouvrait son atelier à Nancy, donc j'étais assez surprise, en sachant qu'il y a assez peu de peintres en province, et surtout près de chez moi, puisque je suis d'Épinal. Et donc je suis venue le voir, et voilà, j'ai vraiment adoré l'espace qui est parfait pour un atelier de peinture en lettres, et très très bien entendu avec Benjamin, ce qui nous a permis de décider voilà, de travailler ensemble. Il est vrai que vous êtes très peu, hein, puisque à tout faire à la main, à peindre, à dessiner à la main, vous êtes moins de 5 en Alsace-Lorraine, en tout, c'est très peu. Et vous avez la particularité de concevoir et donc de peindre exclusivement à la main tout type, j'ai envie de dire, de décor, que ce soit des enseignes, que ce soit sur des objets, sur même, je me suis laissé dire, sur des vestiaires de foot, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet ? Bah oui, nous les signes on peut les mettre vraiment sur tout type de support. Alors je l'ai fait à 9 maisons, c'est des nouveaux vestiaires de foot du stade de 9 maisons, où j'ai travaillé avec une agence d'architecture qui s'appelle Studio Lada. En fait, c'est eux qui m'ont contacté, ils m'ont demandé si il était possible de peindre des chiffres sur chaque porte de chaque vestiaire. En reprenant, donc la base c'était de remettre, enfin d'avoir l'univers football, donc reprendre un peu l'esthétisme des chiffres qu'on peut voir sur des maillots de foot en fait. Donc c'est des grosses lettres assez géométriques, assez carrées, et qui ont la particularité en fait de partir de la base de la porte et de monter jusqu'en haut de la porte. Donc c'est des chiffres qui font à peu près 2 mètres de haut sur un peu moins d'un mètre de large, en fait. Ah oui, quoi. Quand même. C'est des gros chiffres. Et quelle couleur, ces chiffres ? Alors, c'est des chiffres blancs sur un fond bleu, en fait. Les portes sont anodisées bleues. C'est un métal teinté bleu. D'accord. Et moi, je suis intervenu donc, avec de la peinture blanche pour faire ces gros chiffres en peinture. D'autres projets comme ça, un petit peu différents ? J'ai réalisé un casque de peinture, alors c'était pour un ami, mais c'est pour montrer qu'on peut vraiment peindre sur quasiment tous les supports. Il ressemble à quoi ce casque ? C'est un casque bol qui fait penser un peu au casque de moto de Harley Davidson. C'est des petits bols custom. Il était tout noir, mat, et en fait, je suis intervenu, j'ai fait deux fonds bleus avec un liseré blanc, et il y a un chiffre 78, en l'occurrence, qui est peint avec un petit fond bleu. Tout à la main. Tout à la main, oui. Vous avez également fait, je crois, la signalétique, c'est-à-dire des panneaux pour la fête de la soupe. Alors pour ceux qui sont anciens, ils connaissent très bien la fête de la soupe, c'est un événement festif où on découvre différentes recettes de soupe. Et vous avez fait ces panneaux-là. Alors c'était une commande de l'association Bolt MX, donc qui organise tous les ans la fête de la soupe au mois de septembre. Moi, il s'avère que j'y participe en tant que fabricant de soupe depuis la deuxième édition, en fait. Et on a réalisé 8 panneaux pour indiquer différents stands. Il y avait les toilettes, c'est pas un stand, mais c'est important de les signaler. Où sont les toilettes, tout à fait. Il y avait le stand histoire où il y a des contes, des histoires et des contes qui sont pour les enfants. C'était quelle couleur? Alors, tous les panneaux étaient sur fond rouge et il y avait, les lettres sont en blanche avec un nombre rouge foncé. Et les panneaux étaient grands? Ils font à peu près 3 mètres sur quasiment 1 mètre de haut, je crois. Ils sont tous de la même taille. C'était sur du médium 5 mm, donc quelque chose d'assez léger, facilement transportable. Et voilà. On verra d'ailleurs toutes les photos sur la page Facebook Demain de Maître. Vous avez également fait, je crois, une autre commande pour Lorraine Pierre Investissement. Oui. Racontez-nous. Alors ça, c'était une deuxième commande, on va dire plutôt ma première vraie commande rémunérée. C'est quelqu'un qui est marchand de biens à Nancy, qui a la porte de son garage qui est bien située, donc en face de la sortie de la pépinière. Donc une énorme porte rouge qui doit faire 4 mètres sur 3 à peu près, où il voulait quelque chose d'un peu rétro avec le nom de son entreprise qui s'appelle Lorraine Pierre Investissement. Donc je lui avais proposé plusieurs déclinaisons, enfin plusieurs propositions de visuels. Il en a retenu une que j'ai réalisée sur sa porte. Donc c'est une porte qui est assez connue parce que tout le monde passe devant en voiture et a l'occasion de s'arrêter au feu rouge. Donc les gens la regardent et elle est assez connue en fait. Et c'est une bonne carte de visite. J'ai décliné le concept et le visuel sur un triporteur que la personne possède. Donc je lui ai refait ça. Je lui ai fait également ses numéros de maison. J'ai fait quelque chose à l'intérieur que moi connais, et lui, c'est une citation d'un philosophe sur un mur. Je lui ai fait plusieurs projets par la suite. Morgane, vous aviez aussi une création dont vous souhaitez parler. Oui, j'ai eu la chance de travailler à Gérardmer le mois dernier avec un artisan, donc c'est un imprimeur d'art. Et en fait, c'est l'ancien chef d'atelier de l'imagerie d'Épinal. Donc maintenant, il est à son compte, il fait de la lithographie, sérigraphie, de l'impression type au plomb. Et c'était très intéressant parce que travailler avec un artisan d'art, c'est quelqu'un qui comprend aussi notre démarche. Et donc, il y a une vraie collaboration aussi qui peut en découler sur la manière dont nous allons travailler son projet. Donc en fait, j'ai réalisé sa vitrine à la Moselaine. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai eu carte blanche sur le graphisme. Donc j'ai pu lui proposer des visuels avec différentes typographies qui représentaient bien le métier de peintre en lettres, les styles principaux de la peinture en lettres, aller un petit peu au-delà avec de la calligraphie pour son cabinet d'estampes, et surtout pouvoir faire de la feuille d'or, donc ce qu'on appelle le verre églomisé, puisque vous avez une belle presse Aldeberg juste derrière la vitre. Je me devais de lui proposer ce qu'on peut faire de mieux. Alors c'était un vrai défi, mais il m'a vraiment fait confiance, et c'était une très belle rencontre également. Donc un beau projet, on va mettre les photos bientôt, là je dois retourner le vernir, donc ce sera bientôt sur le site. Enfin, l'idée aussi d'être en Lorraine, c'est de travailler avec les artisans d'art, puisqu'il y en a énormément dans notre région, c'est une des forces de notre région. Très intéressant pour commencer l'aventure en Lorraine. Quelle qualité, selon vous, faut-il pour être peintre en lettres? Alors moi je pense qu'il faut être observateur. Observateur, oui, une certaine rigueur dans son travail. Parce que c'est important pour avoir un résultat au final propre, notamment pour tout ce qui est verre églomisé ou enfin feuille d'or. où on a vraiment, il faut vraiment être très très minutieux. Voilà. Observateur, oui, bien observer ce qui se fait, ce qui s'est fait dans le temps, ce qui se fait actuellement, ce qui se fait aussi sur chez d'autres artisans d'art. Ou c'est bien de s'enrichir, pas seulement dans ce qu'on fait nous, mais de ce que font les autres aussi. Quoi, ça peut donner des idées pour sur des graphismes, voir ce qui se fait dans les livres, être curieux. Et ça permet de s'enrichir et d'apporter de la richesse dans son travail aussi. Quoi. Mm-hmm. Morgane, autre chose à rajouter ? Moi, j'avais tendance à dire qu'il faudrait avoir de la ressource, parce qu'il faut réussir aussi, et parfois trouver des solutions très rapidement dans des projets, des choses très pratiques. Ça, c'est un aspect essentiel. Il faut savoir bien préparer ses supports. C'est tout... Enfin, voilà, il faut avoir quand même une connaissance technique, et puis autant une culture typographique, une culture de la lettre, et pouvoir aussi adapter ce qu'on propose. Voilà, il faut quand même connaître les différents styles et voilà, pour apporter des solutions adaptées. Être ouvert, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de formation de peintre en lettres telle qu'elle en France pour le moment. Vous m'aviez même dit, Morgane en off, qu'il n'y a pas vraiment de réseau en tant que tel en France, à contrario de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. C'est ça. Alors déjà, oui, il n'y a plus de formation, je crois, depuis la fin des années 90. Il n'y a plus de formation en France. Avant, c'était un BMA, décoration, option, lettres, peinture en lettres, qui existe toujours. Et en fait, si vous les contactez, ils vous apprennent à coller de l'adhésif. D'accord. Donc, c'est assez drôle. Mais c'est vrai qu'en France, on est... en fait, il y a un vrai réseau, comme je le citais tout à l'heure, le Letterhead, qui est un réseau, pour le coup, assez anglo-saxon, donc américain, avec des rencontres internationales de peinture en lettres. Mais en France, on est assez désolidarisé, même si ça commence à changer. Les peintres, il y a deux, trois peintres qui s'installent à Paris, là, depuis deux, trois ans. Voilà, ils sont au courant de ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est très anglo-saxon. Et en France, il y a très peu de choses. Et je suis sûre qu'il y a d'autres peintres en lettres, peut-être qui nous écouteront. Mais on n'est pas au courant. Et ça, c'est un peu dommage, puisque l'idée, c'est de dire, comme on fait un métier qui a presque disparu, rencontrons-nous, partageons nos connaissances. Moi, je connais des peintres qui en font depuis 30 ans. Ils vont à une rencontre de peintres, ils apprennent toujours quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est aussi un des aspects, un bel aspect de ce métier. Toujours des nouvelles techniques, des nouvelles choses à apprendre. Et puis chacun développe ses propres techniques. Mais en France, voilà, on est un peu seul. C'est à nous de le développer. Donc si vous avez un message à faire passer aujourd'hui, ça serait finalement de lancer un appel à tous les peintres en lettres, c'est ça ? C'est ça, on pourrait dire ça. On a fait une page sur Facebook, La peinture en lettres. Il y a pas mal de gens là sur Paris, puis aussi de Toulouse qui sont dessus. On se partage un petit peu les ressources qu'on a. Bah, par exemple, la plupart des livres que j'ai, de vraiment de technique, sont en anglais. J'ai uniquement un livre en français. Et je suis persuadée qu'il y en a d'autres. Donc voilà, ça permet de partager un peu nos connaissances. Via Facebook, c'est une des manières aujourd'hui de se retrouver. Morgane, Benjamin, qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien dans votre atelier ? De jamais avoir une journée qui se ressemble. On ne fait jamais la même chose. Chaque projet nous pose ses difficultés, ses contraintes, des désagréments aussi. On en a tous les jours. Des choses qui ne marchent pas, j'en ai une tout à l'heure. Où j'ai passé deux jours à faire une lettre et au final... Elle s'est décollée, enfin ça n'a pas marché quoi. La technique que je voulais essayer n'a pas marché. Mais c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est aussi ça, peintre en lettres. Ouais, c'est ça aussi, c'est de ne pas réussir ou de rater, de recommencer. Donc la diversité et de s'améliorer, des tâches, c'est ça qui vous plaît le plus. Oui, et puis après les supports aussi, on ne peint jamais sur le même support, les commandes ne sont jamais les mêmes, les clients ne sont jamais les mêmes, n'ont jamais les mêmes attentes. C'est aussi un échange avec le client qui est enrichissant. Enfin, il y a tout l'amont. Et l'aval du travail, quoi, en fait. Et Morgane, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Ouais, bah c'est ça, pour revenir sur la variété des clients et des recherches qu'on doit faire autour de notre travail. C'est sûr qu'on peut autant travailler pour un particulier, pour faire un numéro de porte dans un style précis, avec des inspirations bien décidées par cette personne, ou alors avoir carte blanche avec une entreprise de luxe, pour une vitrine. Donc il y a vraiment une variété de projets assez impressionnante, et voilà, c'est jamais la même journée. Qu'aimeriez-vous dire à nos auditeurs qui nous écoutent, Morgane par exemple ? Bah, écoutez, s'ils sont annoncés, qu'ils viennent nous voir. L'atelier, c'est aussi... C'est vraiment ouvert à tous. C'est ouvert. L'idée, c'est aussi la rencontre, c'est de pouvoir discuter de notre métier et puis plus généralement des projets aussi, des particuliers, des petites entreprises. Oui, et puis c'est l'occasion de montrer comment on procède, comment on fonctionne, parce que les gens ne comprennent pas toujours que c'est de la peinture, ce qu'on fait. Oui, et puis l'échange, on n'est pas des sauvages. et puis on est même assez friands de que les gens viennent nous voir, ça nous motive, ou que s'intéressent à ce qu'on fait. Et nous, on aime bien transmettre aussi... Un métier qui est quand même relativement rare ici. Et qui intéresse beaucoup de gens pour peindre dans la rue, tout ça. J'ai toujours des gens qui viennent me voir, oh, c'est chouette, c'est vachement bien que ça revienne, qu'il y ait encore des jeunes qui fassent ça. Ça change, enfin, les gens le disent, ça change de l'autocollant, du sticker. Et... C'est vrai que comme tout est fait à la main, vous faites des projets qui vont de l'enseigne pour un magasin à, comme vous l'avez dit, un casque de vélo ou un numéro d'un bâtiment. C'est vraiment très, très ouvert. Hein. C'est ouvert. On peut appliquer le signe ou la lettre vraiment partout, sur n'importe quel support. Et c'est ce qui fait un peu notre force. Et c'est ce qu'on aime faire aussi, quoi. On prend autant de plaisir à customiser un casque de vélo qu'à faire une enseigne pour un magasin. Tout support est intéressant et ils sont tous bons à prendre, quoi. Merci Benjamin et Morgane. Retrouvez Studio Pinceau durant les Journées européennes des métiers d'art. Ils ouvrent les portes de leur atelier les 2 et 3 avril prochains. Alors n'hésitez pas, rencontrez-les. Retrouvez également l'album photo de leur création, de leurs outils sur la page Facebook Demain de Maître, ainsi que toutes les informations pour devenir peintre en lettres. Nous, on se retrouve fin mars pour une émission spéciale Demain de Maître dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. À bientôt.